Audiomatique. Et c'est un départ pour la transmission 034 d'Audiomatique. La responsabilité d'introduire cette transmission 034 revenait à MG avec sa composition Stealth, parue sur son album homonyme. MG est en fait le pseudonyme peu subtil de Martin Gore, bien sûr membre de la célèbre formation britannique Depeche Mode. L'album MG est seulement la troisième parution solo de Martin Gore depuis le début de sa carrière en 1981 et nous présente des musiques synthétiques, instrumentales, très atmosphériques et cinématographiques. Jusqu'à 18h, les électronistes vous accompagnent avec de la musique électronique qui, nous l'espérons, saura agrémenter votre environnement sonore, peu importe ce que vous faites et où que vous soyez. Parfois, les pièces que nous vous proposons sont moins accessibles, parfois elles le sont davantage, et c'est, disons-le, du côté plus accessible que nous entamons cette première séquence musicale sur une note dubstep, avec une pièce du tout nouvel album de la formation Infected Mushroom. Voici Savant on Mushroom. We'll be right back. Effectively, populate. The Bass Below. C'est le titre de la pièce que nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic. C'est la formation Straftans qui nous l'offrait de son dernier album Mainstream Sellout Overground. Avant cela, la formation Accessory nous proposait une musique mélangeant la techno, la dance et l'electronic body music avec Outrun the Gun, une composition tirée de son plus récent album, Resurrection. Et c'est Infected Mushroom qui lançait cette séquence musicale avec une composition réalisée en collaboration avec le projet norvégien Savant, lequel apporte une touche dubstep à la musique davantage techno d'Infected Mushroom. Cette pièce, qui se nomme justement Savant on Mushrooms, se retrouve sur la plus récente parution d'Infected Mushroom, soit l'album Friends on Mushrooms. Allons-y maintenant à Audiomatic, une fois de plus avec une nouveauté, c'est-à-dire avec un extrait du nouvel album de Square Pusher. de fantaisie. C'est fou, 89.1. Tout juste avant la publicité à Audiomatic, c'était le groupe allemand Diary of Dreams, mené principalement par Adrian Hates, et la chanson Killers de leur album Menschfeind. Précédemment, il s'agissait du projet québécois Le Ça et la version instrumentale de la pièce Stratophage, tirée d'une version préliminaire du mini-album intitulé Plus. La version finale du mini-album Plus sera lancée officiellement lors du concert donné par le projet Le Ça à l'Agité de Québec le 13 juin à 22h dans le cadre du festival Codex. Tous les gens qui assisteront au spectacle recevront une carte pour télécharger le mini-album gratuitement. Et en début de séquence, il s'agissait de Square Pusher, le projet de l'artiste anglais Tom Jenkinson, avec la pièce X-Jag Knives, parue sur son plus récent et 14e album studio, intitulé Damogen Furies. C'est maintenant Conjure One, le projet solo de l'artiste Rhys Fulber, qui assure la continuité de la transmission d'Audiomatic avec la pièce Oligarch. An oligarch. Le duo slovaque Disharmony nous offrait sa vision du mix entre la musique électro et death metal grâce à sa pièce Empty tirée du plus récent album intitulé Room 78. Disharmony propose toujours, au fil de ses albums, cette dualité entre une voix gutturale et une musique électronique propre et mélodique presque contemplative. Et parlant de musique contemplative, on peut dire que la pièce qui précédait celle de Disharmony aura su nous porter sur une belle mélodie teintée de mélancolie. Il s'agissait de la pièce Oligarch, interprétée par Conjure One, le projet solo de Rhys Fulber, un artiste bien connu grâce à sa participation au groupe Frontline Assembly. La pièce que nous avons entendue paraît sur le plus récent album de Conjure One nommé Exilarch, qui est sorti en 2010. Il faut dire qu'en 13 ans, Rhys Fulber n'a produit que 3 albums avec son projet Conjure One. Pour conclure cette émission d'Audiomatique, nous aurons droit à la musique d'Adrian Taz, mieux connu sous le pseudonyme Tricky. Tricky a bien sûr fait partie du groupe Massive Attack au début de leur carrière, mais a quitté après la sortie du deuxième album Protection. Nous entendrons donc la chanson Past Mistake qu'il chante en duo avec Lubna Maher, qui est tirée de son album Noel West Boy. Si cette pièce marque la fin de la transmission 034, ce n'est certainement pas la fin d'Audiomatique. Les électronistes seront de retour en direct mercredi soir prochain dès 17h pour vous proposer une autre heure de plaisir auditif synthétique. Si jamais cette heure ne vous est pas suffisante et que vous êtes avide de découvrir d'autres artistes, nous vous invitons à consulter notre page à facebook.com/audiomatique-cfou afin d'avoir accès à toutes nos anciennes transmissions. Et si vous êtes du genre à ne jurer que par les ondes hertziennes et que vous voulez réécouter cette émission, sachez également qu'elle est rediffusée le dimanche à 14h et le lundi à 13h. Voici donc, comme convenu, Tricky et la chanson Past Mistake. Bonne semaine. Across the My love.